Fred est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas. Mais ma foi, le secours a servi et les deux ont fait fuir les trois. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait dans ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures. Et l'action de ces coquins était si lâche que j'eût été y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite. Et je cherchais à les rejoindre. Lorsque j'ai fait rencontre de ces voleurs qui d'abord ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, on aurait fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui. Mais sans y vouloir entrer. Et nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentils hommes à se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur, car enfin, le plus doux succès, on est toujours funeste, et si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. Et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureux, de ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite, d'être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui, et de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un gentilhomme doit périr. On a cet avantage qu'on fait courir le même risque et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de le venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent. Et que l'auteur de cette offense est un don Juan Ténorgue, fils de Don Luis Ténorgue. Nous le cherchons depuis quelques jours, nous l'avons suivi ici, sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval, accompagné de 4 ou 5 qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos efforts pour le joindre ont été inutiles, nous n'avons pu savoir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu, je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère. Mais la renommée n'en dit pas force bien, et c'est un... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, il est un peu de mes amis, et ce serait à moi une sorte de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout, et c'est bien la moindre chose que je vous doive, après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez, lorsque je ne puisse en parler sans en dire de mal. Mais quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuvez pas son action et que vous ne trouvez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami le don Juan. Je ne puis pas m'en empêcher. Mais enfin, il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentils hommes. Et je m'engage à vous faire faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Celle que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés. Mais après ce que je vous dois, ce ne serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Et vous n'avez qu'à dire où vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle, faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis?